Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Marc Lalonde, Lalonde des Zones. C'est moi-même, bien sûr, qui est là et qui est content d'être avec vous pour passer un deux heures ensemble à vous proposer l'excellente musique franco-canadienne. Cette semaine, on va entendre, entre autres, du Sirène et Matelot, du Christine Melançon. J'ai l'album La Semaine, l'album de Le Flow Franco. Excellent album, vous allez voir. J'ai aussi comme musique du Sylvie Poirier, du De Flore. On va entendre également du Marie, du Véronique Trudel. C'est une nouveauté assez intéressante. Et il y aura aussi Yves Lécuyer. Donc, l'excellente musique à vous proposer. Avec pas mal de bonnes nouveautés cette semaine, vous allez voir. On commence ça dans quelques instants avec le Bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. À tantôt! Bien, bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chétican, WFM 98 Halifax, CIFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Fredericton et CHQC Saint-Jean Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions ou même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, recevoir leurs produits, et si c'est bien fait, bien produit, on va faire tourner ça avec grand plaisir à Canrock. On va débuter notre bloc des Maritimes, si vous voulez bien, avec une histoire de famille, et oui, la famille Richard de l'Île-du-Prince-Édouard. Sur ma page Facebook de Canrock, en passant, vous allez là, sur CAN Tradition ROCK sur Facebook et vous descendez là, au milieu de la page. Il y a une prestation de la famille Richard, soit Patricia et son garçon Julien et aussi sa sœur Marcella Richard. Donc, très, très belle prestation qu'on a pu voir sur Facebook, voilà une semaine peut-être de ça. Je partage ça sur ma page Facebook. Donc, on va entendre, bien sûr, Marcella Richard, tirée de la compilation Acadie, Racine, Pays sans frontières, Les gars de Mont-Carmel, bien sûr. Et on va entendre également, comme deuxième chanson, En Way de Patricia Richard, qui forme le duo Sirène et Matelot avec Lenny Galland. Qu'est-ce qu'un gars de Mont-Carmel fait dans la ville de Montréal? À watcher les cœurs passer toute l'après-midi. S'ennuie assez pour ébrouiller. Il trousse la cape pour s'en aller. Qu'est-ce qu'un gars peut pas pour gagner sa vie? vie parmi des grandes histoires, des années passées. Tout le défi, toute leur misère sont pas ma réalité. Encore comme si le feu est pris dans la cabane à côté. Sans un regard, sans un salut, tout est automatisé. Si j'avais pu leur demander toutes les réponses, traverserait les années. Rit comme si l'amour t'appelle, comme un éclat d'une étincelle. Danse jusqu'au point de tomber sur tes genoux à remercier pour les couleurs de l'arc-en-ciel. Tricoter d'une seule ficelle, filer des tristesses et des joies du monde. Oh ouais, oh ouais. Le temps s'écoule, la terre déboule, on veut, mais on ne peut rien faire. On cherche une guérison magique dans un monde de bonheur. On bouge, mais moins, mais dans nos têtes, ça bouge à 100 000 à l'heure. Et finalement, on se trouve dans une tombe sur un cellulaire. Si j'avais pu leur demander toutes les réponses, traverseraient les années. Rit comme si l'amour t'appelle, comme un éclat d'une étincelle. Dans jusqu'au point de tomber sur tes genoux à remercier pour les couleurs de l'arc-en-ciel. Tricoter d'une seule ficelle, filer des tristesses et des joies du monde. Oh ouais, oh ouais. L'amour t'appelle comme un éclat d'une étincelle. Danse jusqu'au point de tomber sur tes genoux à ramasser pour les couleurs de l'arc-en-ciel. Tricoter d'une seule ficelle, filer des tristesses et des joies du monde. Ah ouais, ah ouais. Voilà, Patricia Richard, qui, comme je le disais, avec Lenny Galland, son conjoint de vie, eh bien, elle forme le duo Sirène et Matelot. Et puis, c'est vraiment intéressant. C'est un album qu'ils ont lancé, je pense que c'est sorti il y a presque un an déjà, ça. Il me semble que c'est le printemps dernier que ça a été lancé, ou à l'automne. Et puis, c'est vraiment un très bon album. On vient d'entendre la pièce « En way ». On va poursuivre, si vous voulez bien. Comme je vous disais en entrée de jeu, j'ai de la belle nouveauté cette semaine. Et bon, il y a Mme Joannie Benoit qui, lorsque je l'ai croisée au Contact Ontarois 2020, celui de cette année, eh bien, elle m'a dit qu'elle travaillait tranquillement pas vite sur un nouvel album, qu'elle essaierait d'écrire un peu plus de chansons, participer plus à l'écriture des chansons. Donc, j'ai bien hâte de voir là, si avec le temps de la pandémie, être seule à la maison, est-ce qu'on elle, ça lui a donné l'énergie, l'inspiration à écrire des chansons. C'est à voir. Pour l'instant, elle nous relance un nouvel extrait de son album « Feu de Bengale ». C'est la pièce « Les sommets », pièce fort intéressante que j'aime bien. Si vous aimez Joannie Benoit, vous allez adorer ça. Espèce de country pop fort intéressant. Elle a une très belle voix également. Donc, ça s'en vient dans quelques instants. Par la suite, on va entendre Christine Mélenchon, qui, elle aussi, sur ma page Facebook de Canrock, eh bien, j'ai partagé un petit live comme ça qu'elle a fait avec sa sœur Janelle, piano, guitare, violon, assez intéressant. Donc, c'est vraiment bien fait. On va entendre la pièce « 100 millions d'années ». Je suis toujours en attente de son album parce qu'elle a, elle a lancé. Elle a sorti un nouvel album un peu avant la pandémie. Donc, j'ai hâte de le recevoir et de vous faire entendre ça. Pour l'instant, voici Joanny Benoit. Te laisse pas démonter au pied de la montagne. Tu ne dois pas oublier que moi je t'accompagne. Quoi que tu fasses ou que tu ailles, je serai là. Tant le jour que la nuit, je serai dans tes pas. Je serai dans tes pas. atterrir ailleurs. Déguerpir en ayant vu les fissures de mon cœur. Je t'ai dit pourquoi t'as pas peur de la folie de toutes mes angoisses. Te souris comme une tache de rousseur. Melançon, 100 millions d'années, elle qui, écoutez, avant la pandémie qui nous ralentit tous, on a eu hâte d'en sortir de cette pandémie-là, eh bien, elle avait, comme je vous disais, sorti un album solo, elle avait aussi sorti un album, les Firefly, qui est Samantha Robichaud, Louise Vautour et aussi Christine Melançon, et c'est ces trois femmes-là ben, qui faisaient pas mal de la bonne musique, ben, ont été ralentis à cause de cette pandémie qui nous tombe dessus. Mais quand même, ça ne nous empêchera pas d'entendre l'excellente musique comme qu'on vient d'entendre. Je vous ai dit la semaine passée, la semaine d'avant, que bon, en faisant du ménage, en écoutant un peu ce que j'avais comme musique, je suis tombé sur Accro de la chanson, qui est un concours très important en Acadie pour développer le jeune talent et la relève acadienne. Et il y a des chansons comme ça qui ne jouent pas nécessairement beaucoup à la radio, mais qui sont assez intéressantes. Et à chaque semaine, comme ça, en conclusion, j'essaierai de vous en envoyer deux à chaque semaine, si possible. Donc, de Accro 2012, il y a Myriam Arsenault qui nous offrait « Gare à toi ». Très bonne chanson, vous allez voir. Et aussi, un gars qui commence à rôder un peu, j'entends son nom quelques reprises, Francis Goulette-Poirier, accro de la chanson 2015. Donc, loin d'ici, loin d'ailleurs, très très bonne pièce également. Donc, je vais vous faire entendre ça. Et bien sûr, demain, j'aurai des détails ou de la musique des concurrents de accro de la chanson 2020. Je vous fais entendre ça avec grand plaisir. Je ne te donnerai pas de seconde chance. Si tu me mens, je le découvrirai certainement. Et je te ferai souffrir autant que moi j'ai souffert. Alors gare à toi, je ne suis pas une âme fragile, tu verras. Ouh, tu ne me traites pas bien, notre histoire n'aura plus de lendemain. Et tu sauras que même si je ne veux que toi, cela ne changera pas ce que je ferai de toi. Crois-moi, ce n'est pas une bonne idée. J'irai te hanter. Est-ce que tu sairas de m'oublier? Et chaque jour, crois-moi, tu sauras que je n'aime que toi. Et tu connaîtras le traitement que je réserve pour toi. Un jour nous serons heureux. Tu n'as pas à te demander ce qui me pousse à te menacer. Si tu ne me traites pas bien, notre histoire n'aura plus de lendemain. Et je te ferai souffrir autant que moi j'ai souffert. Alors gare à toi, être avec moi n'est pas facile, tu verras. Tu verras. Alors gare à toi. Me pardonneras si je prenais le large avec tous mes bagages et plein mon voyage. Oui, je prendrai le large, loin d'ici, loin d'ailleurs. Loin d'ici, loin d'ailleurs. Loin d'ici, loin d'ailleurs. Oh, ma, ma, ma. Comme le vent frappe la brise, dans mon cœur tout se brise. Mais je reprends la mise. Je ne cherche que des mots qui m'emporteront. Loin d'ici, loin d'ailleurs. Tu me dis que tu veux prendre ton temps, prendre un jour à la fois. Et je te crois sans parole. Mais tout a changé d'un coup. Mon cœur s'épanouit parce qu'il est fou de toi. Loin d'ici, loin d'ailleurs. Loin pas d'ici, loin d'ailleurs.